Et dans le journal de 8h, on sera à Welkenrade, Bruno. En province de Liège, et peut-être à temps pour entendre la cloche, on vivra la rentrée sur place avec Barbara Schall. Et on saura aussi comment ça se passe dans une famille qui organise la scolarité des enfants à domicile. Et puis direction Chevetogne aussi, dans le 8-9, avec Luigi Codutti, l'organisateur de Italia Chevetogne, au domaine provincial. C'est 10 et 11 septembre prochains. On vous souhaite une excellente rentrée, jeudi 1er septembre oblige. Merci pour vos témoignages. Continuez à venir sur la page Facebook Bruxelles-Vivacité-RTBF. Ce vendredi 9 septembre, le gratin de l'athlétisme belge et international sera réuni au stade Roi Baudouin pour l'AG Insurance Memorial Van Damme. Vous voulez y être et fêter nos athlètes de retour des JO? Écoutez Vivacité ce vendredi 2 septembre ou Balle de Match ce week-end pour gagner vos places. Vivacité, la radio du sport. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde. Quand je pense que grâce à la rentrée scolaire, Christophe Grandjean est devenu ce qu'il est devenu. Bravo Christophe. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas allé à l'école, moi. Je me suis fait tout seul, monsieur. Ah ben, vous avez bien raison. Vous aussi, vous avez étudié tout chez vous, David Jean-Marc. Moi, je suis un autodidacte. Mauvais, mais autodidacte quand même. Non, grâce à ça, David a ouvert une université du relooking. Et ça ouvre aujourd'hui. Voilà. Et vous, Sarah, vous avez ouvert une université dans votre vie? Non, pas vraiment. Pas encore. Jérôme de Warze, vous avez ouvert une école, une haute école. Moi, j'ai passé plus de 1000 jours en troisième secondaire, monsieur Maréchal. Plus de 1000 jours. Ah, ben on peut passer une fois 1000 jours. Mais on peut passer 1000 fois une un jour. Bon, bonne rentrée tout le monde. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Eh ben, bonne rentrée, Denis. Ben merci, merci Benjamin. C'est vrai que pour cette rentrée, bien les conditions météo seront pas trop mauvaises. C'est vrai que on aura un petit peu moins de soleil que les jours précédents. On a des nuages qui sont surtout présents sur l'ouest, mais ils vont transiter d'ouest en est. Donc si ce matin on a quelques éclaircies au sud et à l'est, l'après-midi sera plutôt sur l'ouest et le centre qu'elles vont revenir. Le risque d'une averse est maintenu, mais uniquement près de la campine. Les températures, elles vont se maintenir entre 21 et 24, voire localement 25 degrés dans l'ouest. Demain et samedi, on prolonge avec encore un petit peu plus de douceur, mais toujours assez bien de nuages. C'est dimanche que la rentrée est prévue, mais cette fois pour la pluie, sera moins agréable, même si les températures restent comprises entre 21 et 24 degrés. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, la double peine pour les élèves qui retournent à l'école. Le 1er septembre, on n'y échappe pas, il y a d'abord ceci. Le réveil qui vous sort brutalement de vos rêves et dans quelques minutes, il y aura aussi ceci. La sonnerie qui marque véritablement la fin des vacances et le retour en classe. Heureusement, l'école a aussi ses bons côtés. Nous nous rendons dans une minute dans une école pour assister à cette rentrée scolaire. Et puis, nous nous rendrons aussi dans une famille où les enfants ne rentrent pas en classe aujourd'hui. Les parents font école à domicile. Travailler moins pour gagner autant. Des fonctionnaires wallons auront droit à ce nouveau régime en raison de la pénibilité de leur travail. Le recours gratuit à un avocat, c'est fini. Même les plus bas revenus devront payer un peu plus pour une assistance juridique. À l'étranger, situation explosive au Gabon. Après la réélection contestée du président Ali Bongo, des affrontements qui ont fait plusieurs morts. Nous irons sur place. Et puis Belgique-Espagne, match amical pour les Diables Rouges ce soir et un premier test pour le nouvel entraîneur Roberto Martinez. Et quand faut y aller, donc Christophe, faut y aller. Eh oui, il ne reste que quelques minutes aux élèves pour rejoindre leur école. C'est la rentrée pour environ 500 000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles, ceux de maternelle et de primaire, ceux de première secondaire aussi parfois. Barbara Schall, vous êtes à l'école communale de Welkenrade dans l'est de la province de Liège. La cloche sonnera là-bas à 8h30 précise. Et bien sûr, pour les enfants, c'est une journée très particulière, Barbara. Oui, et pour certains élèves, les plus petits notamment, c'est une grande première, un tout premier contact avec l'école. Pour les autres, ce sera sans doute un peu plus facile, mais il faudra tout de même un peu de temps pour retrouver ses marques. Et puis, il ne faut pas oublier les adultes, aussi professeurs et autres membres de l'équipe pédagogique, qui regardent tout ça avec bienveillance. Alors, je m'appelle Monsieur Pascal, on m'appelle Monsieur Pascal dans l'école. Votre fonction, vous vous occupez notamment de l'accueil le matin. Voilà, de l'accueil du matin, parce que c'est très important, notamment aujourd'hui pour le premier jour de la rentrée scolaire. Il y a toujours cette petite crainte du premier jour, surtout dans les petits, avec papa et maman, voilà, pour un peu, bon, c'est un peu l'inconnu pour beaucoup. Mais très vite, les institutrices sont là et pour que ça se passe dans les meilleures conditions et que les enfants puissent se sentir le mieux possible pour le premier jour de la rentrée. Il faut aussi rappeler que l'école a subi des inondations au mois de juin dernier avec d'importants dégâts. Mais aujourd'hui, tout est revenu à la normale et les enfants ne devraient se rendre compte de rien. Merci Barbara Chal à l'école communale de Welkenrade en province de Liège avec Vincent Brichet. Parmi les nouveautés de cette année scolaire, le cours de philosophie et de citoyenneté dans les classes de primaire de l'enseignement officiel. Il remplacera une ou deux heures de religion ou de morale. Et la rentrée scolaire en ce 1er septembre, ce n'est pas pour tout le monde. Donc nous avons trouvé ce matin une famille où les enfants vont rester peinards à la maison. Ils sont même en vacances d'ailleurs à Saint-Idesbald, à la côte belge. Une famille qui a décidé de faire l'école à domicile. Baptiste Tupin a rencontré cette famille un peu marginale. 7h ce matin, cette famille de 5 enfants se lève tout doucement dans une maison de vacances à la mer. Dans cette famille, le 1er septembre ne signifie pas grand-chose. On apprend toute l'année, souvent par projet. Pendant les grandes vacances, par exemple, Colline a choisi de travailler à la ferme. Colline, 13 ans et demi. On prépare les seaux de lait et puis on va les donner aux veaux. La dernière fois, j'ai fait une insémination artificielle. Du coup, l'occasion d'apprendre plein de choses. J'ai calculé la rentabilité d'un veau, j'ai travaillé ma règle de 3, je sais exactement combien pèse une blanc-bleu en moyenne. Ce choix, la déscolarisation, est autorisé en Fédération Wallonie-Bruxelles, à condition que les enfants passent des contrôles certificatifs, comme le CEB. Les parents sont aussi convoqués par l'inspection tous les 2 ans pour expliquer la méthode. Dans cette famille, le 1er septembre est l'occasion de rediscuter du projet Charlie, 10 ans. Quand c'est la rentrée des classes, bien on se pose la question, est-ce que ça plaît à tout le monde? Est-ce que tout le monde est bien avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer s'il y a des choses qui nous plaît pas et on voit avec ça? Ce choix de la déscolarisation concerne une minorité d'élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, 909 selon les statistiques, mais cette minorité est en forte augmentation depuis quelques années. Et puis en ce 1er septembre, il y a aussi les élèves qui n'ont toujours pas d'école. 259 élèves de secondaire sont toujours sans école. C'est une 60aine de plus qu'à la même période l'année dernière. Certains fonctionnaires wallons travailleront bientôt un jour de moins, oui, mais pour le même salaire. C'est une info RTBF le soir. La Wallonie s'apprête à lancer la semaine de 4 jours pour une partie de son personnel. Qui est concerné, Lionel de Neubourg? Les fonctionnaires de 60 ans et plus. Pas tous, évidemment, ceux qui exercent une fonction pénible. Quelques exemples avec Christophe Lacroix, le ministre wallon de la fonction publique. Je pense notamment aux ouvriers de voirie, à certains éclusiers, les femmes d'ouvrage. Mais il y a aussi d'autres métiers qui ont une charge psychosociale importante. Je pense par exemple aux convoyeuses scolaires. Donc vraiment, c'est tenir compte de la pénibilité. Cette semaine de 4 jours au lieu de 5, elle devrait concerner quasiment 400 travailleurs dès 2017. Et il y aura aussi des engagements pour compenser ce 5e jour qui est non presté. Mais est-ce que c'est tenable économiquement pour la Wallonie, Lionel? A priori, oui, puisqu'il y a quelques millions qui sont déjà prévus dans le budget. Mais surtout, le gouvernement wallon fait un pari, celui de réduire l'absentéisme, réduire le nombre de jours de maladie, parce qu'après 60 ans, cet absentéisme, il explose. Le pari, donc, c'est que des travailleurs qui travaillent moins seront mieux dans leur peau et donc un peu moins souvent absents. Et ce n'est pas tout, le gouvernement wallon annonce aussi des hausses de salaire. Oui, pour les fonctionnaires qui ont les revenus les plus faibles, 1300 personnes environ. Celles qui ont les plus bas salaires au niveau de l'échelle, hausse annoncée de 30 euros net par mois, voire 250 euros en fonction de l'ancienneté. Merci Lionel de Neubourg avec Rudy Hermans. Et puis c'est aussi la rentrée du monde judiciaire aujourd'hui. Oui, avec parmi les changements de la rentrée, celui de l'aide d'aide juridique pour les démunis. Désormais, le principe de la gratuité est supprimé. Une participation financière est réclamée aux justiciables. Combien va-t-il falloir débourser? Réponse de Jean-Marc Picard, avocat spécialisé auprès des barreaux francophones et germanophones. La gratuité est terminée, on peut dire ça comme ça. À partir du 1er septembre, toute personne qui demandera à avoir un avocat d'aide juridique devra payer 20 euros à la désignation de l'avocat. Et s'il faut entreprendre une procédure devant le tribunal, devant le Conseil d'État, devant une autre instance juridictionnelle, il faudra payer par instance un montant de 30 euros. Donc ça fera 50 euros par procédure, voire plus si on doit aller en appel. Un avocat rencontré par Patrick Michal. L'objectif de cette réforme, c'est d'éviter la surconsommation et d'accorder l'aide juridique gratuite à ceux qui en ont réellement besoin. L'actualité internationale maintenant, marquée ce matin par des violences au Gabon. Des affrontements ont éclaté après la réélection du président Ali Bongo. Ali Bongo a été réélu de justesse à la tête du Gabon. Ses opposants contestent sa victoire et demandent un recomptage des voix. Des échauffourées ont eu lieu dans les rues de Libreville, la capitale, et l'Assemblée nationale a été incendiée. Le candidat perdant, Jean Ping, affirme que les forces de sécurité et la garde républicaine ont pris d'assaut son quartier général. Il parle de deux morts et de nombreux blessés. Reportage de Sébastien Nemeth dans un hôpital. Allongé sur un brancard, l'homme ne répond plus, en état de choc. À côté de lui, deux autres sont assis sur une chaise et se font nettoyer leurs plaies. Merlin a reçu une balle dans le dos devant la radio-télévision alors qu'il relevait un manifestant suffoquant dans les gaz lacrymogènes. Il accuse les forces de l'ordre. Ce sont des lâches, ils ne font pas un travail noble. Il travaille au détriment du peuple gabonais. Arsène, lui, a été touché au bras lors d'échauffourées au boulevard Charbonnage, près du QG de Jean Ping. Il a envoyé des policiers venir tirer sur nous. Des vraies balles. Parce qu'on était face à eux comme ça. Révoltés par la répression, ils affirment que les forces de l'ordre préfèrent protéger Ali Bongo au détriment de tout un peuple. Sébastien Nemeth de RFI à Libreville, au Gabon. Chasser le naturel, il revient au galop quelques heures à peine après sa visite éclair à Mexico où il a tenté d'adoucir son discours. Donald Trump est redevenu nettement plus virulent à son retour aux États-Unis. Le candidat républicain à la présidentielle américaine a enfoncé le clou à propos du mur qu'il veut construire pour stopper l'immigration clandestine. Ils ne le savent pas encore, mais les Mexicains vont payer pour ce mur, a martelé Donald Trump. Au Mexique, le milliardaire américain était resté beaucoup plus évasif. Au Brésil, Dilma Rousseff n'est plus la présidente. Comme attendu, elle a été destituée hier soir par une majorité de sénateurs soupçonnés d'avoir trafiqué les comptes publics. Michel Temer, qui assurait déjà l'intérim, est le nouveau président du Brésil. 8h10, c'est le 8-9 Sport maintenant. Et comme les écoliers, les Diables Rouges font leur rentrée ce soir. Une rentrée assez prestigieuse avec ce match amical face à l'Espagne. Un match qui tombe pile poil deux mois après l'élimination en quart de finale de l'Euro, Jérôme Elguers. Et en deux mois, on a apporté du changement. Un nouveau sélectionneur avec Roberto Martinez. Et une nouvelle mentalité. Les Diables veulent retrouver la rage de vaincre. Au micro de Manuel Jousse, le coach Roberto Martinez analyse ses trois premiers jours avec le groupe. We all know the players that we have. You can see them playing at club level, but it's nothing when they arrive. On connaît bien nos joueurs, on peut les voir évoluer avec leur club, mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils peuvent faire quand ils sont ensemble. J'ai vu du tempo, de l'intensité durant nos séances d'entraînement. J'ai pu en tirer quelques enseignements en termes de solidarité, de compréhension entre les joueurs. Le talent de nos individualités saute aux yeux, mais il faut apprendre à devenir une équipe, et l'amical de ce soir servira à cela. Cela va me permettre de tester des choses, d'essayer. J'attends de voir comment les joueurs vont interagir et évoluer en équipe. Après, je suis sûr que j'utiliserai au mieux tous ces enseignements. Roberto Martinez interrogé par Manuel Jousse, le sélectionneur qui a confirmé Eden Hazard comme capitaine. Par contre, Jérôme, Axel Witsel lui devrait commencer le match sur le banc et ça s'explique. Oui, car le milieu de terrain est sans doute amer. Hier, il a passé la journée à Turin pour finaliser son transfert à la Juventus, mais l'affaire a capoté dans les toutes dernières minutes. Son club, le Zénith Saint-Pétersbourg, a finalement refusé de signer la transaction. L'an dernier, déjà, Witsel était tout proche d'un transfert à l'AC Milan. C'est donc la deuxième fois qu'il est bloqué par son club. Axel Witsel devra patienter une saison de plus dans le championnat russe. Chez nous, Anderlecht n'est pas parvenu à attirer Nicolas Lombards. Il a donc choisi Uroš Spajić, un jeune défenseur serbe. Le Standard a lui engagé 4 joueurs relativement peu connus durant la dernière journée de ce mercato. En basket, l'équipe nationale a commencé ses qualifications pour l'Euro 2017 par une victoire, 65-46 face à Chypre. Malgré une équipe décimée par les blessures, les jeunes joueurs ont assuré. Pierre Capard a interrogé Maxime Dezeux, le pivot des Lions. Je pense que les jeunes y répondent présent. On voit ça. On voit notamment au Bassoine que peu de gens connaissaient. Et aujourd'hui, il fait quand même du boulot. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi, comme Van Wijn, comme Castello, qui commencent à se montrer. C'est bien pour l'équipe. Et ils répondent présent et c'est important. Alors maintenant, il faudra confirmer. Il y a un déplacement en Suisse et puis c'est la venue de l'Islande ici la semaine prochaine. Ce déplacement en Suisse, ça va pas être facile parce que moi, j'étais avec Jonathan là-bas il y a quelques années où on a été perdre là-bas. Donc il faut pas sous-estimer. Il faut directement se préparer pour le match. Je pense que ça va pas être facile comme je l'ai dit. Mais si on est prêt, si on est focus, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et ce deuxième match Suisse-Belgique se jouera samedi. Enfin, en tennis, il n'y a plus de joueurs belges à l'US Open. Steve Darcy a perdu son match du deuxième tour face à l'Américain John Isner. Hier soir, défaite en 4 manches. 6-3, 6-4, 6-7 et 6-3. Je vais maintenant passer parmi vous avec une corbeille, car c'est l'anniversaire de Jérôme. Chut, ne lui dites rien, ne lui dites rien. Attends, un cancre qui a son anniversaire le jour de la rentrée scolaire, ça ne s'invente pas. Hein. Ah oui, c'est Marie-Martine Schins qui s'étrangle de travers. Donc combien vous mettez dans la corbeille, Sarah? Oh, 20 euros. Oh là là, bon sang, 20 euros, Christophe. Oh, il lui faudra beaucoup plus pour retourner sur les bancs de l'école. Vous mettez combien? Beaucoup plus. Un chiffre. Il est cupide. 150. Oh là là. Non, ça gagne bien le 8-9. David, vous mettez combien? Comme à tout le monde, 50. 50. Voilà, barème d'anniversaire. Comme les dringuelles. Je ne dois plus rien mettre. On a un budget de 220 pour un cadeau. Bien joué. Et vous, vous mettez rien? Ah ben non, on a déjà 220. Mais non, il a tout. Il a tout. Bon, je vous signale qu'on ira en Italie tout à l'heure. Nous irons au domaine provincial de Cheftogne avec un événement consacré à l'Italie tout au long du week-end. Il y aura de la musique, il y aura des Vespa évidemment, il y aura des Fiat 500, il y aura de la musique et des concerts et de quoi manger surtout avec un festival vin incroyable. Des gondoles aussi. Ça a l'air sympa. Laisse les gondoles à Cheftogne, comme disait la chanson. C'est une évidence. Bon, il est 8h14, Cactus. Je vous ai pas dit bon anniversaire, Jérôme, bon anniversaire. Merci infiniment. Mais je vous en... Aujourd'hui, effectivement. Mais oui, je sais. Le jour de la rentrée. Le Cactus est le 1er septembre, donc, jour de la rentrée. Mais oui, bonjour. Les petits mâles et les petites femelles. Non. C'est la rentrée des classes pour les élèves de maternelle ce matin. Et nous nous trouvons ici au collège des Petits Planqués, 16 rue de la Loi. Hein, alors, les rangs se forment, les classes se remplissent. Bonjour Charles. Oui, ben nous aussi, on est très contents de repartir pour une année supplémentaire. Charles, tu aimes les rentrées? Charles. Oui, et j'aime beaucoup les rentrées, mais surtout d'argent. Ah bah oui. Alors, pour aider la classe et surtout moi-même, je vends tous les calendriers gratuits qu'on a reçus dans la DH d'hier matin. Oui. Et alors aussi, il faudra penser à donner des sous pour que mon prof de gym puisse encore tenir jusqu'à 98 ans, parce que là, il en a 85 et il ne veut plus faire de poirier en donnant cours d'histoire géo. On verra ça. Mais dites-moi, mais c'est la petite Joëlle qui arrive avec ses cahiers sous le bras. Ah mais tiens, il n'y a rien dans tes cahiers, Joël. Alors Joël, content de ta rentrée? Non. Je suis peu inscrite. Ah ben non. Alors j'ai essayé de trouver une école en faisant croire que j'avais 3 frères, 6 sœurs et 15 cousins qui étaient déjà. Mais ça s'est vu, j'ai été renvoyé. Ah ben il y a Benoît qui a essayé de me sauver, mais bon, personne ne l'écoute et ça sera toujours comme ça. Ouais, ouais. Et donc on ne t'accepte plus nulle part? Non, et Jacqueline non plus. Elle a trop raté en maths. Ah et oui. En plus, elle ne peut plus se déplacer en train. La SNCB ne veut plus lui donner d'abonnement. Ah ben oui, ça, j'imagine, mais c'est quand même pas facile, hein, pas facile. Bon, et ben le petit Théo. Bon, le petit Théo est là également. Aïe, pas pire. Bon, très jolie ta nouvelle. Très jolie. C'est pas une trousse, c'est un matraque télescopique pour les élèves qui font retenue. Ah bon? Et il y en a beaucoup? Tous ceux qui refusent immersion néerlandais. Ah bon. C'est moi qui prends les présences, les empreintes et qui puce ceux qui arrivent d'autres écoles. Ah, ça ne rigole pas. Hein. Bon, ah ben voilà, Elio qui arrive. Bonjour Elio, qu'est-ce que tu fais, Elio?

Vous êtes invité aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi des derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condroit à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur AJD.be. Vous avez entendu cet énorme bruit ? Ce sont les journées colossales chez Colishop. Des réductions jusqu'à moins 50% sur le matériel de fitness, l'électro et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. Construction Jean-Pierre et fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour rajouter une 10e boule à l'atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Si. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 euros par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. David Jean-Motte n'est pas l'homme d'émission facile. On aurait pu relooker Thierry Henry, mais il n'y a rien à dire. Il est juste parfait. Donc, qui on a choisi tout à l'heure? On a choisi donc Roberto Martinez. Ouais, qui n'a rien à voir avec Thierry Henry. Donc, il y en a un qui est plus classique, l'autre qui est plus sportswear. Ouais. Et donc, même au niveau du visage, il y en a un qu'on aime un peu plus et l'autre qui est un peu plus anguleux. Voilà. C'est clair. Voilà. Il y a quelqu'un autour de la table que j'aime vraiment bien. Quelqu'un que j'aime. Est quand même franchement moins anguleux. Ouais, mais il y en a un qui est très anguleux et qui adore la rayure. Inscrivez-vous pour le Kikadi de tout à l'heure. On se fera une liste des meilleurs amis, si vous voulez, qui on préfère. Donc, Kikadi, c'est une citation à identifier, un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fonck. On s'inscrit au 3063 SMS, vous indiquez « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. On se retrouve tout à l'heure et vous viendrez faire une baise à l'équipe du 8-9, je l'espère. Une poignée de main franche et virile, c'est selon. Il est 8h24, le Zap Télé avec télépro.be, Sarah, et l'apparition d'une nouvelle chaîne de télévision. C'est toujours un événement, évidemment, et là, on parle d'une chaîne toute info, d'info en continu. C'est une grande première pour le service public français. La chaîne, c'est France Info. C'est donc de l'info en continu, un journal toutes les 10 minutes avec des reportages prévus pour. Et la particularité de France Info, c'est que ce sont trois piliers, en fait. On est à la fois en TV, en radio et sur le web non-stop. Comme le 8-9, vous voulez dire. Mais dans le fond. Est-ce vraiment de l'info? Bon, après, ça, c'est un autre le 8-9, oui, comme ça, quand même. Quand même. C'est de l'info. C'est de l'info. Ah non, le 8-9, c'est de l'info. Ah oui, c'est de l'info. Mais c'est pas Jennifer Viré ou pas? Non, non, non, mais c'est bien là en France. Enfin, c'est un quart d'heure d'info et puis après, c'est de la gaudriole, quoi. Non, c'est pas ça? Non, non, non. Donc un quart du 8-9, c'est de l'info. Le journal dure un quart d'heure. Ah, et nous, c'est quoi alors? Bref, soit. France Info a surpris tout le monde parce que le lancement officiel, c'était prévu ce soir à 20h, lors du lancement de France 2, notamment du JT. Ils ont lancé leur chaîne hier sur Facebook à 18h, un Facebook Live, comme on dit, ça en jetait. Vous avez vu les images? Oui, oui, alors. Pas mal circuler sur le web. Ouais, sur le fond, à mon avis, ils font pas de la meilleure info que nous, mais en tout cas sur la forme, sur la forme, ils ont vraiment révolutionné. Non, ils ont vraiment renouvelé le genre sur la forme, très à l'anglo-saxonne. En fait, tout se passe dans la salle de rédaction. Les journalistes sont debout, ils circulent, ils s'installent devant des écrans interactifs. C'est très très bien. Un coup d'œil sur le logo, c'est France Info. Alors, c'est le fond est gris, France Info écrit en blanc. Ce sont des petites lettres, hein, ce ne sont pas des majuscules, ouais. Avec les deux points. Deux points jaunes, ouais. C'est un graphiste stagiaire, quoi. Non, non. Et le slogan, c'est France Info, deux points, ouvrez l'info. Ah, monsieur, j'ai pas regardé, j'ai quand même vachement analysé. Bah, si, bien sûr, j'ai regardé. Alors, Christophe, dans votre curriculum vitae, je vais faire une lettre de recommandation, parce que je vous sens partant pour France Info TV. Non, je suis bien à Bruxelles, je suis très bien. Pouvez David et Jérôme faire une lettre de recommandation à Christophe? Non, mais on ne va pas chez les Parisiens, tu es fou, quoi. Vous voulez quand même pas briser sa carrière tout de suite. Non, mais quand je dis ça, c'est qu'il était important. Il est bon, on le garde dans le 8-9, évidemment. Moi, je suis fier d'être avec des personnes assez. Continue, David. Cela dit, si on veut suivre la chaîne, pour nous, Belges, il faut aller sur le net, c'est aussi sur le net, c'est francetvinfo.be. francetvinfo.be. Eh ben alors, si le 8-9 c'est pas de l'information, je sais pas quoi vous annoncer pour la suite. Fédération Wallonie-Bruxelles info.de/. J'appelle Paul Magnette, attendez. Hey, maman, on joue au supermarché. D'accord, mon cœur. Alors, je voudrais un kilo de... Tu dois d'abord trouver une place de parking. Ah, ok. Vroom, voilà. Je vous... Et ton caddie. Ah oui. Bon, alors, je voudrais... Hé, hey, là, madame, dans la file, comme tout le monde. Mais enfin, je... Renfort caisse, renfort caisse. Oubliez le stress du supermarché. Faites vos courses sur wink.be, le supermarché 100% en ligne qui livre aussi à domicile. Profitez vite de moins 10% sur tous vos achats pendant un mois, ouais, de la première livraison gratuite et d'un kit rentrée des classes en cadeau. Ouais. Wink.be. Je suis Juliette Vincent, enseignante en horticulture à l'ITP Cours-Saint-Étienne. Savez-vous que mes élèves cultivent leur passion dans les célèbres serres et jardins de l'école horticole de la Hulpe ? L'option horticulture ouvre les portes de nombreux jardins à entretenir et à embellir. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrembel et Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Comment bien manger quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes? En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Oui, youpi ! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Je pensais que ça voulait dire « ça j'adouille, moi ». Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi, 350 ans, le week-end anniversaire des 2, 3 et 4 septembre. Accès exceptionnel à de nombreux sites historiques, dont l'hôtel de ville et son beffroi, les puits sous la place Charles II et la forteresse hollandaise. Réservé à la maison du tourisme au 071 86 14 14. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce jeudi. Bientôt 8h30, les enfants prennent la direction des salles de classe. C'est la rentrée pour environ 500 000 d'entre eux aujourd'hui, en maternelle, en primaire et en première secondaire aussi parfois. Des fonctionnaires wallons vont bientôt travailler moins en conservant le même salaire. Ils ne travailleront plus que 4 jours par semaine. Une mesure qui bénéficiera à des personnes de plus de 60 ans qui exercent un métier pénible, comme par exemple ouvrier sur les routes. De graves affrontements au Gabon, en Afrique. Une partie de la population proteste contre la réélection du président Ali Bongo. Des combats ont eu lieu dans les rues. L'Assemblée nationale a été incendiée. Il y aurait, selon le bilan actuel, 2 morts et plusieurs blessés. Et puis le jour J pour l'entraîneur Roberto Martinez, son premier match à la tête des Diables Rouges. Match amical contre l'Espagne ce soir à 20h45 au stade Roi Baudouin. Une averse isolée ne sera pas exclue, mais ne soyons pas oiseaux de mauvais augure. Maxima de 25 degrés et relativement bonne journée encore qui se présente à nous. Vous remettrez les mots dans l'ordre. Il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour à toutes et tous. On démarre par une rentrée un peu paradoxale du côté d'Ixelles. L'Athénée Royale ouvre cette année une toute nouvelle section fondamentale, de nouvelles classes maternelles et primaires donc. Mais bizarrement, en ce premier jour de classe, il n'y a que 25 élèves inscrits. En cause, selon ce préfet, la communication. On a fait appel au service de la Poste. Donc tous les Ixellois ont reçu, le public cible, une petite affiche dans leur boîte aux lettres précisant l'ouverture de l'accession fondamentale. On a fait une deuxième campagne dans les métros qui a eu lieu en juin et qui est actuellement occupée. Et voilà, donc maintenant, sur 2 mois, il est effectivement qu'on a un problème de communication. Et je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'école ou qui ont dû forcément inscrire leur enfant assez loin, tout en ne sachant pas que peut-être à 100 mètres, 200 mètres de chez eux, une section fondamentale était ouverte. Avec l'objectif de remplir complètement l'école de l'accueil à la 6e primaire, vous vous donnez combien de temps? Le principe, c'est que l'école maternelle, j'ai aucun souci, elle va se remplir petit à petit, puisqu'il y a une pénurie. Je connais des gens qui se déplacent assez loin pour pouvoir mettre leurs enfants dans une école maternelle. maternelle. Et donc, une fois que le maternelle sera bien alimenté, de facto, il alimentera le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à mon avis, d'ici 6 ans, l'école pourrait atteindre un chiffre de 250, 300 élèves. Gerasimo Sintek-Leis, le préfet de l'Athénée Royal d'Ixelles, interrogé par Geoffroy Fabré. Et justement, la rentrée, elle va être un peu compliquée sur la route du côté du Bois de la Cambre. Un important chantier débute ce matin, avenue Franklin Roosevelt. Il s'agit d'installer une nouvelle canalisation de gaz, des travaux qui vont durer un mois. Et on l'aura deviné, il risque donc d'entraîner pas mal d'embarras, hein, Fabrice Gérard. Oui, car s'il est encore possible d'emprunter l'avenue Roosevelt dans les deux sens, pendant un mois, cette circulation ne pourra s'effectuer que sur l'une des deux parties de l'artère, comme l'explique Philippe Massard, le porte-parole de Sibelga. Pendant cette période-là, l'avenue Lloyd-George ne sera plus utilisable, sauf pour les riverains et les entreprises. Et l'avenue Franklin-Roosevelt, on aura réduit la capacité de l'avenue Franklin-Roosevelt de moitié, puisque au lieu d'avoir deux bandes entrantes et deux bandes sortantes, on ne gardera qu'une bande pour entrer et l'autre bande sera utilisée pour sortir de Bruxelles. L'avenue Franklin-Roosevelt est l'un des axes de pénétration importants de la capitale. C'est aussi un point de passage pour se rendre dans certains auditoires de l'ULB et dans plusieurs écoles de la commune d'Ixelles. Voilà pourquoi ces travaux inquiètent Caroline Désir, son échevine de la mobilité. Oui, on peut craindre que ces axes qui sont déjà naturellement assez encombrés, que sont l'avenue Franklin Roosevelt, le Bois de la Cambre, etc., le soient encore plus et puis que donc les remontées de fil encombrent naturellement le rond-point de l'Étoile et le boulevard Général Jacques. Quelques conseils dès lors, partez plus tôt si vous n'avez d'autre choix que d'utiliser votre voiture. Sinon, privilégiez les transports en commun, le vélo et la marche à pied. Et une bonne nouvelle par contre, la situation se fait à nouveau normalement ce matin sur le boulevard du Jardin Botanique. Les travaux d'étanchéité du tunnel Rogier sont terminés ce matin dans le timing prévu. Ne dites plus 4 mais 2 nouveaux parkings autour du piétonnier du centre-ville. La ville de Bruxelles renonce au projet des Brigitines et de la place du nouveau marché au grain. Forcée et contrainte, le bourgmestre Yvan Mayer a en tout cas refusé nos demandes d'interview. Du côté de l'opposition par contre, on se réjouit. Écoutez Marine Agy pour Écolo. Je pense que ces parkings qui étaient annoncés au cœur de la ville étaient un non-sens, puisque dans le centre-ville, dans le centre de Bruxelles, il y a plus de 14 000 places de parking publiques qui sont, de l'aveu même des exploitants comme Interparking, sous-utilisées. Et donc il s'agissait d'une vision assez contradictoire avec l'idée de réduire la pression automobile dans le centre et surtout un aveu d'impuissance dans la gestion des parkings existants. Une interview de Pierre Vandenbulk et c'est une autre écolo-bruxelloise qui sera l'invitée du jour sur BX1. La coprésidente Zakia Katabi répondra aux questions de rentrée de Jean-Jacques Deleu. Rendez-vous vers 12h45. Et les politiques, justement, vont aussi reprendre le collier en ce 1er septembre. C'est jour de rentrée pour le gouvernement bruxellois. Le Parlement reprendra ses sessions dans deux semaines. Comme l'an dernier, là, il n'y aura pas de déclaration politique générale lors de la séance inaugurale. De quoi déjà faire bondir l'opposition MR et écolo, Philippe Carlo. Le Conseil des ministres de ce jeudi ne servira qu'à faire le point sur les grands dossiers de la rentrée et le timing des décisions à prendre. Quels grands dossiers ? Pour l'instant, le gouvernement ne communique pas sur le sujet. Du côté de l'opposition, Écolo attend des précisions en ce qui concerne les allocations familiales. Alain Marron, député. Il y a des études qui sont en cours depuis des mois. On aimerait maintenant savoir un petit peu dans quelle direction on va pour l'avenir des allocations familiales, puisque ça concerne quand même beaucoup de familles à Bruxelles. Pour les libéraux, la priorité de la rentrée, c'est la mobilité. Vincent De Wolf, chef de groupe. L'image de Bruxelles, pour le dire un peu vulgairement, en prend un coup, que ce soit les tunnels, que ce soit l'immobilité, les bouchons, les travaux, l'absence de coordination. L'ensemble des Bruxellois sont fâchés, les autres aussi, et on perd notre crédit. Quant à l'absence de déclaration de politique générale lors de la rentrée parlementaire, le gouvernement préfère s'exprimer lors de la présentation du budget. L'opposition le déplore. Vincent De Wolf. Ça ne sert à rien qu'on modifie les textes si le gouvernement n'est même pas capable, comme l'a voulu le Parlement, d'être là le jour de la rentrée pour lancer les débats, lancer des projets et nous permettre de réagir. Une rentrée en mode mineur donc pour le gouvernement Vervoort 2. Et en football, pas de Nicolas Lombard à Anderlecht à la fin de ce mercato d'été. Un défenseur serbe le remplacera. Il s'agit d'Uroš Spajić. Il est 8h36. Belle journée. 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. D'abord, la citation de Brigitte, cette prof d'histoire de 60 ans à Liège. Elle fait sa dernière rentrée. « Je n'ai plus de points communs avec mes élèves. » Eh bien, vous nous direz, c'est une prof trop vieille. Ça ne va pas, elle se sent trop vieille. Contrairement à ce que disait une grosse partie de la population, les migrants ne sont pas des terroristes. Sur 20 000 dossiers screenés, que 8 demandeurs radicalisés. Ah, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus maintenant ? Et puis ça y est, la Wallonie propose 4 jours de travail à salaire égal, mais uniquement à des fonctionnaires à métier pénible de plus de 60 ans. Est-ce que c'est inéquitable ? Si peu de gens, 400 concernés, Zoé Boss, standard ouvert. Oui, et vos deux mains sont prises entre le croissant et le cartable de votre enfant. Vous prenez quand même le temps de nous appeler au 070-233-466 ou de nous envoyer un SMS au 3063 50 cents par message. La rentrée pour nous, c'est depuis 2 semaines, mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Et à 8h37, on va sur la route avec Serge, notre motard Europe Assistance. Alors Serge, est-ce que ça roule ? Ça roule un petit peu moins bien que tout à l'heure. Ça commence à se densifier sur la plupart des autoroutes pour arriver à Bruxelles, ainsi que sur le Ring. Mais on est loin de la grosse catastrophe à laquelle on aurait pu s'attendre un jour de rentrée. Je vous rappelle, il y a un chantier avenue Franklin Roosevelt qui a commencé aujourd'hui. Essayez d'éviter le quartier. L'avenue Lloyd-George est d'ailleurs fermée. Chantier également sur la nationale 275, tout près de Groenendaal. Et pour terminer, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a un match de foot ce soir au stade Roi-Baudouin. Donc essayez d'éviter le quartier. Merci beaucoup, Serge. Restez prudent sur la moto. On fera un point sur les routes tout à l'heure. On vous retrouvera dans l'aller-retour bruxellois avec Marc Vernon. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez ceci ? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, avec Cyril. Vous avez manqué le match des Diables Rouges ? Pas de stress, ayez le bon réflexe et regardez le match quand vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Bon anniversaire, Jérôme. Ouais, c'est l'anniversaire de Jérôme aujourd'hui. Vous avez... On le saura. 46 ans. Taisez-vous, mais non. C'est mais pas bien vrai. Sûr que non. Mais bon anniversaire. Mais prenons un peu de temps. Bon anniversaire, Jérôme. De ses 46 ans. Eh bien, écoutez, j'ai attendu cette matinée pour que vous me le demandiez. Voilà. On a fait une cagnotte tout à l'heure. On est à 200. Vous n'avez pas participé. Vous n'avez rien donné. Parce que vous estimez qu'elle est bien assez grosse. J'ai rien donné car je vous ai donné mes matinées les plus belles. Oh. C'est vrai. C'est vrai. J'attends bon. Vos nuits. Mais demandez, vous les aurez toutes jusqu'à la dernière. Oh. David, bon, alors relooking oui. Tout à l'heure. D'abord un diable rouge. Donc on va faire donc notre ami Roberto Martinez, donc l'entraîneur. Oui. Et puis nous allons enchaîner directement avec Vanessa Burgraff. Oui, qui est la nouvelle Léa Salamé chez Laurent Ruquier. C'est bien ça. Vous l'avez peut-être vu samedi soir, on en a parlé lundi matin dans le 8-9. Personne n'avait vu. Il y a des petits trucs. Il y a toujours à faire. Ah oui. Faire et défaire, c'est toujours faire. On peut trouver. Comme dirait l'autre. Vous faites quoi ce week-end ? Un événement important, Italia Shoftown, c'est au domaine provincial de Shoftown. C'est 10 et 11 septembre, évidemment, tout est consacré à l'Italie. L'organisateur est avec nous ce matin, Luigi Coduti, bonjour. Buongiorno. Et vous êtes vraiment italien ou pas ? Mes parents sont d'origine italienne, oui. Ils viennent de la province de Benevento, dans la Campanie, d'un petit village qui s'appelle Montefalcone di Valfortore. Ah ouais, donc il est vraiment de là, c'est alors. Bien, ouais. Vous êtes l'homme en charge de ce grand week-end. D'abord, on fait un petit clin d'œil à tous ceux qui ont de la famille dans le centre de l'Italie, qui ont été touchés par le tremblement de terre. Il y aura un moment ou une pensée spéciale pour eux ce week-end ? Bien évidemment, je pense qu'on va faire une collecte. Je veux dire, bon, c'est pris un petit peu au pied levé, donc on va mettre en place avec le consulat de Charleroi, le consulat italien, on va mettre une petite cagnotte, je vais dire, une petite collecte pour tous ces gens-là qui en ont bien besoin. Ah ben du coup, je me sens mal à l'aise avec ma cagnotte d'anniversaire pour Jérôme. Je vais rendre l'argent discrètement déjà récolté. Alors le but du week-end, c'est d'être festif, évidemment. Musique italienne, s'il vous plaît. Pas de raison de ne pas être un peu cliché, un tantinet. Puisqu'il y a un village des saveurs et tout un moment consacré au vin, ce Bardolino, c'est bien ou c'est un peu cliché quand je Bardolino, c'est une petite bourgade qui est située sur le lac de Garde, très charmant. Si vous voulez là-bas, il faut l'authenticité. C'est vraiment ce qu'on recherche par le biais de cet événement, c'est de l'authentique. On fait un week-end italien, il me faut des Italiens. Il faut amener la saveur, la couleur des Italiens. Vous pouvez me conseiller, donc je suis là avec un ossobuco au resto. Je prends plutôt un vin des Abruzzes, de Calabre, du Piémont, des Pouilles. Vous pouvez me conseiller un truc ? Ça dépend l'humeur, ça dépend la terrasse. Je suis de bonne humeur. Vous êtes de bonne humeur ? Oui, l'avenir est devant moi. Un bon Bardolino peut très bien faire un petit Mascarello également, un Montepulciano. Vraiment, il y a du choix dans toutes les régions. Ça se sert frais, celui-là. Alors là, il faudra peut-être demander à notre ami Eric Boschmann. Ah bah non, ça va. Il n'est pas sommelier, il est juste... Vous buvez un peu de vin italien ou vous passez les Italiens, vous, David ? J'ai horreur du vin. Je bois du vin, je dors, donc j'ai horreur du vin. Jérôme ne boit pas. Non, j'ai jamais bu. Vous me confirmez, il n'y a plus que Sarah et moi, alors au bar. Je pense qu'à nous deux, on vaut bien quatre. À deux, on fera bien le tour des Abruzzes, de Calabre et du Piémont réunis. Hein. Alors, il y a tous les véhicules, évidemment, qui vont circuler. Ça va de quoi ? De la Fiat 500 à la Vespa ? Alors, on a un rassemblement de Fiat 500, on a un rassemblement de Vespa, on a également toute une collection d'ancêtres italiens, des vieilles Ferrari, des vieilles Lamborghini, des vieilles Maserati qui seront exposées par des collectionneurs privés. Vous avez une Vespa, vous, ou pas ? J'ai une Vespa, bien évidemment. Vous en faites quoi ? Avec un casque italien. Ah oui. Ben, en plus, c'est très, très bombe. Oui, tout à fait. Vous avez la Vespa typique, la petite, de couleur ? Quelle couleur vous avez ? Elle est bleue, elle est tout à fait simple, c'est une 125, juste de quoi aller prendre mon apéro le matin à Ciné, vraiment... mais très sympa, très très sympa. Ah, c'est l'esprit de l'Italie ce week-end. Alors ce qui est étonnant, c'est que les gondoles, on les attend à Venise. Vous allez vraiment amener des gondoles à Cheftogne ou juste les gondoliers ? Non, j'amène les deux. Donc vraiment, comme je vous disais, je veux de l'authenticité. Donc je me suis rendu à Venise, j'ai été faire un tour en gondole, j'ai rencontré Gianni, qui est notre chef gondolier. Je lui ai dit, il me faut des gondoles pour la Belgique. Il m'a regardé, mais c'est immato. Non, je ne suis pas fou. Et puis, j'ai pris deux semi-remorques. Je mets quatre gondoles dans deux semi-remorques qui viennent de Venise. Les gondoliers. Et elles sont où là en ce moment ? Il est 8h42. Elles sont où les gondoles ? Elles sont sur la route ? Non, elles sont à Venise. Elles partiront jeudi matin. Elles sont chargées à Venise. Elles arriveront mercredi matin à Cheveton. C'est le week-end prochain. Le 10 et 11. Hein. Ouais. 10 et 11. Ouais, c'est incroyable. Et donc, elles sont vraiment en circulation là-bas. Il y a des Chinois qui ont été dedans. De mettre un semi-remorque dans des gondoles et vous verrez que ça ne fonctionne pas. Ah, ben oui, c'est pour ça qu'ils font l'inverse. Bien sûr. Probablement. Ah, ils sont pas bêtes, les mecs. Et donc des vrais gondoliers qui viennent de Venise. Je ne prends pas Pinot qui est pizzaiolo à El Vesuvio en face de la gare de Namur. Non, je prends du vrai, vraiment. Mais vraiment, j'ai rien contre Pinot, hein, parce qu'il faut des pizzaiolo. Il y a un truc dans le 8-9, parce que hier, c'est Renato, le chanteur de The Voice, qui était notre invité. On a parlé des pizzas de son frère, parce qu'il a une pizzeria à Wanze. Donc c'est nos 48 heures de la pizza dans le 8-9. Il y aura des pizzaiolo également. Il y aura du vin, il y aura de l'huile, il y aura des olives, il y aura du spritz, il y aura vraiment tout ce qui fait la chaleur et la couleur de l'Italie. Des italiennes ? Belle carrosserie, Benjamin. Et des beaux Italiens. Et des beaux Italiens aussi, ça ne va pas sans les Italiennes. Hein. Mais oui. Il y a des ancêtres, c'est Berlusconi vient. Alors Berlusconi, il est prêt à être momifié, donc c'est peut-être pas sûr qu'il va venir. Ah ouais, je ne sais pas s'il y aura un after après, parce que Berlusconi, vous savez bien. Il y a des concerts aussi, il y a un tribute consacré à Eros Ramazzotti, donc des reprises d'Eros Ramazzotti, c'est l'Italie of course. Et puis il y a un homme qui s'appelle Santo Baracato. Je refais. David, qui est le frère de Santo Baracato ? Ah, moi je sais. Dites-le maintenant. Il va dire Adamo, lui. Non, Frédéric François. Ah oui. Ah, ouais. Santo Baracato, ça donne ceci hein, sur scène. Santo Baracato. Che bella cosa. Una giornata sole. Un'aria serena. Ça, c'est un grand classique. Ah ouais. C'est dingue parce que je suis sûr que si j'avais mis la Brabançonne, tout le monde aurait parlé. Et pour Santo Baracato, tout le monde se tait. Mais c'est parce que c'est magnifique. Et Goudy fera quoi comme set sur scène ? Donc, si vous voulez, on a également un podium principal près du village des Saveurs où on va faire défiler pendant toute la journée, d'heure en heure pratiquement, tous des chanteurs qui vont nous apporter et de la tradition. Il y aura un groupe sicilien qui sera présent. Et on terminera à 18h avec Nicola Berra qui est un tribute d'Eros Ramazzotti, donc toute l'Italie encore. Et on terminera par Santo Baracato, vraiment, c'est une voix magnifique. C'est un type superbe qui a une élégance sur scène et qui est vraiment il est passé pas assez par connu. The Voice. Hein. Il a fait un coup l'année dernière, c'est moins bonne. Il est passé par The Voice en essayant d'aller au plus loin et puis ça n'a pas été en finale, évidemment. Oui, c'est un type formidable qui est un vrai Italien, qui a une voix magnifique et qui a une prestance, une élégance sur scène formidable. Et avec sa compagne qui chante très très bien. C'est aussi, qui sa compagne il chante aussi qu'une jeune fille blonde comme ça. Pas sa femme, arrêtez de faire des. C'est pas sa compagne, mais en tout cas. C'est la sœur de Claude Barzotti. Non, mais en tout cas, je sais bien qu'à deux, c'est un très beau duo. Italia Shoftown, c'est le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique, 10 et 11 septembre. Il y a un prix d'entrée ou pas? Donc, alors, tous les abonnés qui ont une vignette au domaine provincial de Shoftown, qui est magnifique, 600 hectares d'espace vert très très bien aménagé, eux, ils rentrent gratuitement. Par contre, les gens qui viennent spontanément, soit le samedi ou le dimanche, ils payent 10 euros par personne par jour. Voilà, 10 euros pour être en Italie. Ciao, amigo. Et on paye le vin ou pas? Ah ben, j'imagine. Ah oui, oui, donc il y a tout un. Il y a des food trucks, il y a. Oui, c'était bien joué, Sarah, mais non, il faut payer. Bien essayé. C'est raté. Vous n'avez pas toutes vos entrées. Oui, c'est ça. Vous faites quelque chose avec la Vespa qui est là ou elle est gratuite? Elle est payante. Ben oui. Luigi Codutti, merci d'être passé ce matin. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Merci. Et bon anniversaire, Jérôme. Merci. Allez, mettez un sou dans la cagnotte au lieu de vous en aller. Quelque déjà. Lire. Dans un instant, le Kikadi, on le fera en italien si vous le souhaitez. Hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'Avenir.net et la Wallonie. Ce pays est en sursis permanent. Mais entre deuil et engouement sportif, il n'a jamais été autant tapissé de noir, jaune et rouge que cette année. Que signifie donc être belge aujourd'hui ? Le Vif l'Express a enquêté derrière les drapeaux. Le Vif l'Express, pour ne rien vous cacher. Vivacité vous invite à l'avant-première de Ben Hur avec Morgan Freeman. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Pour y assister le 6 septembre à Bruxelles et Liège, téléphonez au 0905 56 472, 50 cents par appel. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincras un empire. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval. Votre shopping au fil de la lane. Le 8-9. À Ham-sur-Eure. Ciao, ciao, Colette. Bonjour, Colette. Ciao. Hey. Ciao, Colette. Parla italiano, Coletta. Parla italiano. Un poco. Oh, que belle. Je suis calé un peu. Il ne sera pas Si. Bonjour. Mais si, Colette. Tanti auguri à Jérôme. La margarita, Coletta? La margarita? No, quattro stagioni. No! La bardone. Bon, ça suffit. Bon, alors, voici le. Ça va, oui, ça va. Coletta, Kikadi. Oui. Kikadi! Citation à identifier, un mot imposé à Jean-Luc Font, qui a un cadeau qui est vraiment chouette aujourd'hui, blague à part. Et vous pourrez choisir de l'aide avec une personne autour de la table. Mais qu'est-ce que. Mais... Attention. Okay. Nous attendons un fils, enfin un homme dans la famille. Enfin un pisse debout, un homme à qui parler. Kikadi, nous attendons un fils, enfin un homme dans la famille, enfin un pisse debout, un homme à qui parler. Qui a dit ça? Nikos Aliagas, qui va être papa? Jérôme de Warzé, ménagez-moi. Qui porte bien la 46aine étant un enfant? Mais ménagez-moi. Et Georges Clounet, en couple et peut-être futur père. Et Colette, vous pouvez choisir l'aide de David, de Jérôme ou de Sarah? De Sarah. Hein. Sarah. Allez, Colette, on va gagner, j'espère. Pensez quoi, vous? Non, mais attendez, pas vous, elle. Jérôme, je pense qu'on est collègues, il nous l'aurait dit, non? Je sais pas. Oui, voilà. Nous ne sommes que collègues, nous ne sommes pas amis. Colette, il y a Pisse Debout qui est quand même un peu. Sarah, donnez un avis. Je dirais Georges Wadels, non? Et elle dit Georges Clounet. Qu'est-ce que vous faites, Colette? Je ne suis pas sûre, Colette. Vous me dites quoi? Non, moi je ne dis pas Georges Clounet. Vous dites qui? Le premier. Nikos. Vous dites Nikos? Nikos Colette. Ouais, bonne réponse. Bravo Colette. Yes. Bien, ma belle. Vous avez bien fait de ne pas suivre la belle, là. Le cadeau. Deux places pour le mémorial Van Damme, Colette. Deux places pour le mémorial Van Damme. Vous serez dans le stade Roi Baudouin à Bruxelles avec une vue imprenable sur le 100 mètres, sur le 200 mètres, sur le 110 mètres. J'adore l'athlétisme en plus, j'adore. Chouette. Ah bah, l'événement est génial. Ah oui. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc ? Bretagne. Pourquoi ? Parce que j'adore la Bretagne. Pourquoi ? Pour son climat. Parce que je vais dans le plus beau village de France qui s'appelle Soumanac, en Bretagne. Ah ben voilà, hommage aux vacances donc qui pour voilà. Tous les écoliers se sont terminées à 8h19 ce matin. Et ouais. Colette, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée à Amsureur. Merci à vous et bravo pour vos émissions, Sébastien. Eh ben on vous embrasse. Merci Colette. Merci Colette. Gros bisous. Oui, vous me regardez bizarrement. Pas du tout. Merci, vous me regardez. Mais je vous regarde parce vous que... Vous me regardez. Moi, je ne vous regarde pas assez. Mais enfin, alors, c'est... Love is in the air. Cette paternité... Non, mais je me rends compte. Cette paternité... Je me rends compte aujourd'hui que je ne vous regarde pas assez. Delphine Boel, c'était vous ? Non, alors bon. Non, pourtant, il y a des macramés. Non. On relook le nouveau coach des Diables Rouges, M. Martinez, dans un instant. Bon, vous êtes prêts ? Les pianos droits à queue et digitaux, les pianos neufs et d'occasion, les prises imbattables. Eh ben c'est parti pour la valse des portes ouvertes des pianomanes. Portes ouvertes en septembre, facilité de paiement, leasing et location. Les pianomanes Bruxelles, près de la gare du Midi et sur maene.be. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans. Avec la une. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où ? Il est où le bonheur ? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi ? Elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230€ sur l'avenir.net/rentrée. Jusqu'à 9h. Le 8-9. Vivacité. Pourrions-nous disposer de la question d'intérêt général ? Avec soleil. Yann Jambon est en visite frontalière à Moucron. À votre avis, quelle aura été sa première phrase ? Benoît de Saucy propose « Ne croyez pas que vous aurez des facilités ». Albert de Médeux pense que c'est un duel jambon-beurre. Oui. Oh, c'est drôle. La quick du jour. Alors, quel nom donneriez-vous à Bébé Panda ? Et bien sûr, pas un des 5 prénoms mal orthographiés que nous avons vus tout à l'heure. Ouais, alors, si vous regardez la revue de presse sur vivacité.com, vous découvrirez qu'on a parlé de ce fameux bébé panda, parce que Péridesa a demandé sur Facebook de choisir le nom. Il y a 5 propositions qui sont des noms chinois. Avec des belles significations. Ouais. Comme Chine-Belgique, il y en a un qui s'appelle Chine-Belgique. Mais donc là, on vous demande d'en inventer un bon de chez nous aussi, si vous voulez. Jean-Pierre, par exemple. Bon, c'est sur la page Facebook du 8-9. Jean-Pierre, bambou. Jean-Pierre le panda. C'est sur la page Facebook du 8-9, vous pouvez répondre et on corrige ça ensemble demain. Il est 8h55, David, on relook d'abord les Diables Rouges, évidemment, puisqu'ils le jouent ce soir. On aurait pu prendre Thierry Henry, mais qui est juste parfait, on l'a vu dans les photos Une semaine. Thierry Henry, donc, il est vraiment dans le côté sportswear, je veux dire, c'est vraiment la jeunesse, la fraîcheur, et il est vraiment adapté par rapport à une jeunesse à nous. Ouais. Par contre, par rapport à Roberto Martinez... Ah, le T1, le vrai T1. Voilà, le vrai T1, donc il a 43 ans, on est déjà dans des clichés, donc un peu... Il adore la rayure, parce que j'ai regardé les anciennes photos avec lui quand il avait encore des cheveux, et bien je vous assure que la rayure lui colle à la peau. Il faut savoir une chose, c'est que la rayure peut s'associer avec plein de motifs. Donc, s'il aime bien les pantalons à rayure et les costumes à rayure, il peut y aller. Il peut même rajouter, s'il veut, une chemise en cachemire. La rayure s'associe donc très très bien. C'est too much alors, non ? Eh bien, trop non. Rayure, tu la rayures. Non, non, la rayure, c'est la seule chose, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, qui s'adapte vraiment avec tous les autres motifs. Eh ben, je croyais que les costumes à rayures n'étaient pas si unis bleus avec des lignes blanches. Comme ça. Et donc, bon, je croyais que c'était une erreur, mais non, avec beaucoup de lectures, j'ai vu que ça fonctionnait très très bien. Alors, la seule chose que je vais vous dire... Quel genre d'ouvrage, nous avons un zèbre au téléphone qui n'est pas du tout votre avis. Mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Non, non, mais c'est des ouvrages modernes, c'est pas des ouvrages modernes. Non, non, des ouvrages modernes. Alors, je voulais simplement dire aux garçons et aux filles, parce que ça, ça existe. Ici, donc, notre ami Roberto Martinez donc, a une calvitie vraiment au niveau du... Donc, on a le fer à cheval, et en plus, on a le dessus qui est aussi clairsemé. Eh bien, maintenant... Maintenant, il existe, Benjamin, des tatouages. Ah. J'ai vu ça, donc j'ai Golden Eyes. C'est un petit point qu'on remet directement dans votre cheveu qui est parti. Donc, ça veut dire que vous avez un ombré complet sur la tête, sans avoir justement, comme M. Martinez, donc des petits trous de peau. Attendez, je comprenne. Donc, on met des points comme si c'était des cheveux très, très donc, courts. C'est comme un tatouage. Ouais. Donc, ça te comprend permanent. Pas. Voilà, un tatouage permanent. Sur la tête ? Sur la tête. C'est pour qu'on voit moins la peau, en fait. Pour les cicatrices, ouais. Donc ça comble les cicatrices. On a directement un point qui se fait pour avoir l'effet comme une barbe naissante. Ou alors, on a directement le point qui fait un effet cheveux. Mais enfin, et donc maintenant, on peut directement, donc, par rapport à M. Martinez, donc on voit bien ça sur la photo, donc quand on a soit le fer à cheval, soit directement donc, le début d'une calvitie, plutôt que de se faire réimplanter des cheveux, eh bien, on peut directement avoir cette ombrée pour éviter d'avoir ce côté dégarni. Je viens de réaliser, Benjamin, que vous avez un fer à cheval sur la tête. Moi, je croyais que ça s'appelait les oreilles de Mickey. Donc, c'est un truc, effectivement, on a deux trous sur le front, comme ça. Moi, il me faut une fresque murale. Hein. Et donc, c'est pour vous dire que ça existe. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous renseigner. C'est sur Golden Eyes, c'est vraiment ce qui va sortir cette année. Vous avez peut-être changé la vie de deux hommes autour de la table. Oui, et même pas que ça, parce que même moi, j'ai été très surpris. Parce qu'avant, on utilisait ça, justement, pour reconstruire les mamelons. Stop. Voilà. Laissez Sarah en dehors de ça. Voyez non, mais elle c'est a pour cheveux. Vous dire que voilà. Elle en a. Elle ça en comble a. Bien. Bon, rapide dos. Vanessa Burgraff, qui est donc la nouvelle égérie de Laurent Ruquier, le samedi soir, dont on n'est pas couché. Elle remplace Léa Salamé. Rapide dos. Alors, Vanessa Burgraff, donc à 44 ans, très belle, très grande, blonde, teint chaud, les petites taches de rousseur donc sur le visage. La seule petite erreur qu'elle fait, c'est qu'elle utilise des teints froids pour mettre sur les lèvres et sur les yeux. Donc, ça, j'espère qu'elle va rectifier le tir ou que ses maquilleurs ou ses maquilleuses vont rectifier le tir. Par contre, très faible au niveau capillaire. Ah. Donc, comme on lisse, tatouages, comme on lisse, non. Comme on lisse beaucoup les cheveux, comme on les décolore, elle est quand même. Mais non, mais arrêtez de vous moquer. C'est pas du tout. Mais vous parliez vous. C'est vendeur le mamelon capillaire. À la télé. Mais non, mais pour vous dire que pour ses cheveux, de l'huile de ricin, les filles, n'hésitez pas pour renforcer vos cheveux de l'huile de ricin. Sinon, ils vont devenir donc filasse comme ça. Et alors une autre petite chose pour elle, vraiment les cheveux attachés donneront beaucoup mieux parce que pour l'instant les les cheveux sont en transparence, donc moyen. Oui, ben donc ça va pas. Donc maquillage donc, trop clair, Non, mais par contre, on se demande pourquoi Ruquier l'a pris. La femme très très belle, mais faiblesse au niveau du cheveu, elle pourrait être beaucoup mieux. Eh ben je sais pas. Pas mon genre. Votre genre, Jérôme ? Écoutez, oui, je trouve qu'elle est quand même très classe. Elle a un petit air d'Ockrent, je trouve. Oui. Au niveau de la ressemblance, au niveau du style. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Dans la bouche un peu. Les yeux. Le regard carnassier. Ouais, moi, je me faisais penser dans Côte Ouest, il y avait Paige. Elle m'a fait penser Sheridan. Pendant Falcon Crest, il y avait James. Vous n'avez pas l'occasion de saisir la balle au bon et de vivre le match des Diables Rouges chez vous ? Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez le match où vous voulez sur rtbf.be/ovio. AUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Oui alors, Denis, pour cette histoire de tatouage sur les cheveux, je suis en train de monter une petite expédition avec Jérôme, j'en suis, vous en êtes aussi ? Évidemment, surtout que chez moi on pourra passer au mode fresque. Ça nous fera un fameux prix de groupe, alors en attendant le tatouage collectif, météo. Allez, eh bien aujourd'hui, le ciel se tatoue de nuages sur l'ouest et le centre. Et il est par contre encore bien clément sur le sud et l'est avec de belles et larges éclaircies, notamment en province du Luxembourg. Les nuages vont quitter le centre du pays, vont se retrouver sur le sud l'après-midi. Et cette fois, c'est le littoral, le centre, qui connaîtront de belles éclaircies. Les températures aujourd'hui, 21-24 degrés, 25 même du côté de l'ouest. Demain et samedi, on gagne encore 1 ou 2 degrés. Degrés supplémentaires, nuages et éclaircies aussi, mais temps sec. Par contre, dimanche, le vent se renforce et la pluie est de retour. On notera tout de même 21 à 24 degrés. Vous êtes sur Viva, il est 9h. On s'informe, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et la vie qui reprend donc dans les écoles, hein, les petites têtes blondes rentrent en classe. Oui, cartable sur le dos.